Mais moi, je pense que si on règle le cas des laveuses, des sécheuses, moi, après ça, je vais militer pour les pitons de lumière. Parce que c'est écrit « on, off ». Moi, j'ai l'impression qu'il y a du monde au Québec qui ont passé des semaines à noirceur parce que c'était pas écrit en français, c'est le piton de lumière. Puis le gars qui n'est pas de lumière, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Ah ouais, il y en a quelques-uns de ça. Pas au Québec, mais ailleurs. Chien Gaston prétend qu'il est le roi du câlin en dessous du cou, mais ici, il est le roi de la question en bas de la ceinture. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier! Bonsoir! Hey, bonsoir tout le monde, merci d'être ici. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va donner amplement le temps à tous ceux et celles qui sont allés voir l'ignoble exposition sur le sexe à Ottawa de venir se confesser. Franchement, Fred, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes allé voir ça, vous, l'exposition de Foufoune? Êtes-vous malade? Ouais, c'était quand même... Yark! Ah, non, juste d'en parler, j'ai envie de manger des condoms. Ça m'écœure aussi. C'est justement ce que des milliers de vos compatriotes ont écrit au ministre James Moore à ce sujet-là. Lui aussi, d'ailleurs, a trouvé que cette exposition éducative, quand même, était d'un mauvais goût, pas d'allure, fait cocasse. C'est d'ailleurs les mots exacts qu'utilise Mme Moore lorsqu'elle voit son mari en bobette. Mais... C'est ce que j'ai entendu. Non, mais c'est vrai, c'est ce que j'ai entendu, moi. Non, mais je me demande si on devrait pas avoir un registre des gens qui se touchent. Hein? Ouais, tu sais, la masturbation, c'est pas mal plus dangereux que les armes à feu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est... En plus, ça rend sourd. Hein? Puis... Quoi? Ça rend... Laissez faire. Mais parlant de déficience, on se demande si François Legault serait pas handicapé du Twitter, hein? À force de créer des petits scandales chaque semaine, et souvent des scandales sexistes, l'homme du peuple, on s'en rappelle, a récidivé cette semaine, mercredi, en tweetant « Ronde de golf avec ma femme, priceless. Ouais. » Ben, toujours le fun de jouer au golf avec un cadet. Ça, c'est clair, c'est clair. Un cadet, c'est un peu comme le majordome pour le golfeur, oui, c'est voilà, ça? Oui. Bon, ben, je trouve ça le fun parce qu'il y a une très bonne nouvelle pour ceux et celles qui se cherchent un emploi. On vient d'ouvrir le poste de majordome de la famille Desmarais à Sagard, et c'est pas une blague. Ouais. André Pratt a démissionné. Non, lui, il est concierge. Ben, le gars avec les clés, c'est concierge. Ouais, ça, ouais, ça, de toute façon, on demandait pour cet emploi d'être unilingue anglais, et c'est pas une blague. Oh boy! Ouais. Il va avoir de la misère à aller acheter une pinte de lait à Lens-Saint-Jean. Hein? Ça parle pas beaucoup dans la langue de Shakespeare là-bas. Non, ça c'est clair, mais faut pas s'en faire. La famille Desmarais a déjà sa vache à lait, en tout cas au moins à Québec jusqu'au 4 septembre. Ouais, dans ce point-là, franchement. On entendait en ouverture notre ami Mario Dumont, vous l'avez reconnu, qui s'insurgeait contre les nouvelles règles qui vont imposer aux laveuses d'écrire gentle puis spin en français, je pense. Ouais, ça donne bien qu'on en parle parce que c'est la dernière journée de Mario Dumont à V. Hein? Oui, je le sais, je le sais. La démagogie doit être en deuil. Non, il s'en va à TVA. Ah, il s'en va à TVA. Ouais, ah, c'est correct. OK. Wouh! J'ai une petite crainte, là. Hey, toujours dans le domaine des matières gazeuses, paraît qu'on est en pleine pénurie d'hélium. Non, mais j'ai lu ça dans le très sérieux Journal de Montréal. Vous l'avez lu, hein? Franchement intéressant. Ça doit être pour ça que la balloune de Gaétan Barrette s'est dégonflée à la CAQ, je pense. Pourtant, ça paraît pas, hein? C'est pas fin, rire des gros. Ah, wow, la CAQ sont même pas gros. Wow. Non, c'est vrai. C'est le ramadan qui commence aujourd'hui. Un mois de jeûne durant le jour. Hey, le docteur Barrette, c'est-tu musulman, ça? Non, je penserais pas. Il doit être halal. Voyons donc. Le jambon, c'est pas halal, ça? Non? OK. Enfin, alors, c'est une blague de mauvais goût. Nous autres, on la trouvait très drôle. Hein? C'est vrai, ça. Cela dit, la soirée est encore jeune. On en a beaucoup du goût parce qu'on reçoit cette semaine le député de Drummond du Parti québécois et François Blanchet. C'est drôle, je n'associe pas, moi, l'ancien gérant d'Éric Lapointe à bon goût. Mais arrêtez de vivre dans le passé. Il n'est plus gérant, Yves-François. Ah oui, c'est vrai. Il est dans l'opposition, fait qu'il est gérant d'estrade maintenant. Elle est pas drôle, honnêtement. C'est pas moi qui l'ai écrite, ça paraît. On reçoit également la controversée, mais tellement charmante avocate Anne-France Goldwater. Et je dis charmante, évidemment, pour leurs clients, parce que les opposants, c'est plus... faut pas... Le cosmonaute, là. C'est ça, Marc Garneau, voilà. C'est ça. Wouh! Hey, on a déjà du fun, puis la soirée est encore jeune. Wow! Wouh! Hey! On a eu chaud, hein? Oui. Hey, on a failli nommer des noms. Colin de Bin. D'abord, Olivier... Il reste du temps. Ah oui? OK. Olivier Niquette, tout d'abord, technicien informatique et gars qui est très drôle. Nos adresses. Ben oui, venez sur notre site radio-canada.ca/la-soirée. Il y a nos adresses Twitter, Facebook et une vidéo où Stéphane Gendron compare Pauline Marois à Marine Le Pen. Ah, Marine Le Pen elle-même, en plus. Ça doit être drôle. Hey, c'est-tu moi où il y a encore beaucoup d'actualité, tellement on n'a même pas pu traiter de la Syrie, qui est quand même vraiment une histoire franchement triste. Il n'y a rien de drôle en Syrie. Non, quoique je pense que Sam Ahmad a des origines syriennes. Ah, il y a un filon, là, par exemple, pour l'humour. Il y a un potentiel avec Sam Ahmad, c'est clair. C'était la nouvelle de la semaine, surtout dans le Journal de Montréal, d'ailleurs. Il paraît que les athlètes aiment se faire des mamours dans le village olympique pendant les Jeux. Gens qui aiment vraiment, vraiment ça. Grand mambo! Le grand mambo sportif. Tellement que l'organisation des Jeux de Londres vont y distribuer plus de 100 000 condoms. On s'est dit qu'il n'y avait pas meilleur sujet pour notre top 5 hebdomadaire. Hein? Ça a pris du temps, c'est écrit ça. OK, alors voici donc les 5 meilleurs pick-up lines pour aider nos athlètes à faire l'amour encore plus. Alors, la cinquième meilleure pick-up line à lancer à un athlète. Salut bébé, t'habites-tu encore chez ton coach? Bonne, hein? C'est sûrement des blagues de chansons à sexe. Non, mais elle n'est plus athlète. Ah. La meilleure... Excusez. La quatrième meilleure pick-up line à lancer à un athlète... Ah, come on. Faut que je le dise, pour vrai? Oui. Salut, mon beau. Tu savais-tu que mon clitoris était plus gros que ton javelot? L'Allemagne est tombée. L'Allemagne de l'Est, ça n'existe plus. Là. Ah, OK. La troisième meilleure pick-up line à lancer à un athlète... Salut, poupée. Ça te tente-tu de venir prendre une dernière seringue dans ma chambre? Elle est popée. La deuxième meilleure pick-up line à lancer à un athlète... Salut, je m'appelle Cynthia, puis j'ai même un test d'ADN de te le prouver. Cynthia Janson. Je sais pas. Et la meilleure pick-up line à lancer à un athlète... Salut, je m'appelle Alexandre Despatie. Faut aimer le fast-food, hein? Ah, faut aimer le fast-food, c'est clair. Fred, le premier invité. Député du Parti québécois d'Andromane, il est également l'ancien président de la DISC. Il devrait donc être en mesure de faire face à la musique ce soir. Voici Yves-François Blanchet. Ah! Ça commence fort. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'ai écouté votre introduction. Ah, malheureusement. Je parle à notre attaché de presse. C'est vrai? Comment ça, donc? J'ai-tu dit des choses qui n'y a pas pour être sûr que j'ai tout compris. Ah, OK, OK. Mais là, vous allez quand même envoyer de vos collègues chez nous, là? Toutes. OK, good. Excellent. Hey, une petite bière. Un ancien gérant d'Éric Lapointe, ça va prendre C'est-tu la bière, quoi? Ça? Je pense que je vais passer mon tour. Arrêtez donc. Ben oui. Ah oui? Oui, oui, on boit de l'eau, on va être là. Ah, OK, parfait. Ben, écoute, je vais m'en servir une. Ça va me déstresser. Ça va me déstresser. Yves-François, merci d'être ici. Moi, je suis pas stressé. Non? Non. Parce que pour quand tu sais à l'avance que tu risques d'avoir l'air fou. Ah non, non, hey, non. C'est moi qui vais avoir l'air fou. On fait un test. OK, parfait. Je dis ça, mais merci d'être ici, François, parce que à Drummond, ça bouge beaucoup ce temps-ci. J'ai lu récemment que vous n'aviez pas le droit de mettre des patates en avant de chez vous. Il y a de ça. C'est capoté, Drummond. J'ai eu un petit malaise. Ça me rappelle... À chaque fois qu'il se passe de quoi d'un peu spécial à Drummondville, et j'avoue, ça arrive, ça me rappelle notre grand expert en extraterrestres qui a dit, à tout le monde en parle, si vous avez un extraterrestre qui cogne à la porte, tirez-les avec un 12, on va avoir une preuve qui existe. Donc? J'ai eu un élan de fierté. Donc? Le lien... J'essaie de chercher le lien avec les patates. Oui, on est spécial. C'est capoté en tabarouette. Ben oui, ben oui, ben mais oui. Comment vous, est-ce que vous restez encore dans ce coin-là, évidemment? Oui. Vous n'avez pas de potager devant chez vous? Parce qu'on parle évidemment de cette histoire là où est-ce qu'il y a un couple qui a été pris et qui va probablement se faire demander d'enlever tout ce beau potager qu'ils ont mis en face de chez eux. Là. Vous n'avez pas ça, vous? Je n'ai pas de potager devant chez moi. Mais j'ai trouvé l'idée tellement bonne que je suis triste pour ceux qui se font dire de ne pas le faire. Mais vous ne pouvez rien faire contre ça, vous? Il y a des sujets qu'on regarde atterrir, puis on se dit, ça n'aurait pas pu arriver un peu avant, puis un peu après, puis j'espère qu'il n'y a personne qui va me demander d'en parler. Ah! Mais... On va vous demander... Mais si on me demandait vraiment mon avis, je dirais, on peut-tu leur dire qu'il y a un bout de leur terrain qui est une emprise de la ville, puis quand ils auront récolté leurs patates puis leurs blé d'Inde, qu'ils n'en remettent pas là l'année prochaine. Non, ils mettront de l'asphalte, là, c'est beau. C'est... Mais ça serait déjà moins pire que de le dire pour on peut l'arroser. Avec ouais, radis, ouais, ouais, ouais, ouais, je comprends. Laisse unir les pauvres petits radis, ouais, puis ouais. Après ça, on verra. Ben, bon, je comprends. C'est sûr que s'il y a des chiens dans le quartier, ce n'est pas les radis que j'achèterai en premier. je comprends bien. Merci beaucoup du conseil. C'est spécial à Drummondville, vraiment. Yves-François Blanchet, vous êtes anthropologue. Surtout ancien gérant d'Éric Lapointe, on en a parlé. Pourquoi surtout? Ben parce qu'on s'en souvient. Ah, OK. L'anthropologie, c'est moins... C'est moins ça. C'est moins rock'n'roll. C'est moins rock'n'roll. C'est moins sexy. Okay. Vous êtes aussi ancien président de la DISC et vous êtes maintenant le garde du corps de Pauline Marois. C'est votre surnom? Ben, c'est votre surnom. C'est quoi le lien dans tout ça? Et... Y en a-t-il un? Ben, je vous le demande, parce qu'évidemment, vous avez fait tous ces métiers-là, un à la suite de l'autre. Ben, à moins que vous vouliez ma biographie, il va être difficile de faire un lien. Je suis pas sûr qu'il y a un lien logique, mais... Je dirais que ça passe par les mêmes compétences ou les mêmes prétentions de compétences. C'est de l'organisation, ouais. Des communications, puis être capable de donner et de recevoir des coups selon les circonstances. C'est à peu près ce que tout ça a en commun, je dirais. Et si j'y vais plus spécifiquement, en quoi avoir été le gérant d'Éric Lapointe aide à être le bras droit de Pauline? Ben, en fait, je n'ai pas la prétention d'être le bras droit de Pauline, mais là où ça m'a aidé, mais j'ai pas, la réponse est assez sérieuse. Hein, ah ouais? Oui, c'est que... On prend-tu le temps de l'écouter? Ou? J'ai dit... Imaginons que durant la période où j'étais gérant d'Éric Lapointe, j'ai eu quelques crises à gérer. Donc, Éric, as-tu arrangé ta bras au PQ? Quelqu'un intense qui fait des... Il y a toutes sortes de personnages au PQ. Il n'y a pas de spécifiquement ouais. Roger ta bras au PQ, parce qu'on fait plus des chiffres de jour. Ouais. Mais on a quand même. Il nous reste encore, malgré certains départs, des personnages colorés. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a entendu cette semaine André Boisclair, qui était à Médium Large, qui vous a cité dans une liste des 10 députés brillants, intelligents, compétents, qui n'ont pas 40 ans. C'est très fun pour vous. C'est fun parce que j'ai plus de 40 ans. C'est ça. Alors, si mon souvenir est exact, j'ai déjà travaillé avec André, et à l'époque, il avait 1 an et 2 jours plus jeune que moi. Alors, ça peut avoir changé, mais ça m'étonnerait. OK. Et donc, c'est quand même flatteur. Est-ce que ça allait bien avec André? Parce que je me disais, vous avez travaillé longtemps avec Éric Lapointe, André, Boisclair. Alors, vous avez même la plus étonnante des comparaisons. Même passé. Ça allait bien avec André? André est un gars extraordinairement brillant. Je ne dis pas commode, je ne dis pas facile, mais extraordinairement brillant. Ça serait peut-être un point commun avec Éric, qui est un des gars les plus intelligents que j'ai connus. C'est vrai? Oui, clairement. Une espèce d'intelligence intuitive assez phénoménale. André a un peu plus le sens du calcul. Mais ce n'est pas un défaut lorsqu'on fait de la politique ou lorsqu'on fait des affaires publiques. Puis si tu veux représenter l'industrie du gaz de schiste, tu as besoin d'avoir une bonne calculette. Oui, tout à fait. Et François, on s'en va en élection, tout fort probablement. En fait, c'est pas encore déclenché. Mais là, il faudrait qu'il arrête de faire des gaffes parce que là, ils vont te choquer. Ben, quelle gaffe qu'il a fait récemment, Jean? Ben, on peut-tu dire ce qu'il a pas fait qui est une gaffe? Ce qu'il a fait qui est pas une gaffe va être moins long, là. Pouf, c'est compliqué, ça. Ils ont mal calculé le moment où la Commission des droits de la personne allait sortir leur opinion. Justement. Ça, c'est un mauvais calcul. C'est justement. Clair. Mais cela dit, en 2008, les partis de l'opposition, dont évidemment le PQ, trouvaient que déclencher une élection en pleine crise financière, et c'était l'hiver en plus, c'était pas une bonne idée. Et là, on est en plein été, et vous trouvez encore que c'est pas une bonne idée. C'est quoi le bon moment là, pour déclencher des élections? En 76. À 76, c'était pas mauvais. C'est mais... ça le bon moment. Moi, à la limite, je vous dirais que le meilleur moment... Oui. Encore une fois, vous m'obligez à des réponses sérieuses, mais le meilleur moment, c'est là où le taux de participation va être le plus élevé. Et c'est quand? Alors, je ne peux pas croire qu'en déclenchant des élections pendant les vacances de la construction, en faisant voter les gens le lendemain de la dernière longue fin de semaine de l'été, les gens vont avoir, comme le disait votre ami André Pratt, l'esprit bien libre pour ne penser qu'à la campagne électorale. Ben ouais. Donc, s'il fait soleil, en fin de semaine de la fête du travail, les gens vont prendre les journaux des 4 dernières semaines, vont traverser ça, puis vont jaser de ça autour du barbecue en disant quelle est la sage décision. Ben moi, je fais ça en même temps. Bon, ça, c'est moi. En 2008, le slogan du Parti québécois, c'était « Le Québec gagne avec Pauline. Oui. » Bon, je veux pas, ça n'a pas super bien fonctionné, honnêtement. Honnêtement. Ben, ça n'a pas été si mal dans mon comté, ça a bien été. Oui, oui je sais, mais c'est une équipe. Le Parti québécois, c'est pas oui, bon. Est-ce que vous avez un nouveau slogan dans les fours là, que vous pourriez nous donner en scoop? Là? Qu'on a un nouveau slogan dans les fours, c'est clair que je puisse vous le donner, pas pantoute. Ah, OK, good, good. Une coupe de mots que je construise quelque chose, là. faudrait que je t'invente ça. Oui, oui, oui. Ouais. Parce qu'en tout cas, ça peut être genre le carré rouge vers l'avant, parce que je vois que vous avez votre carré rouge. Là. Oui, oui, j'ai tendance à le porter, le carré. C'est vrai? Oui, oui, oui, oui. Plus que votre chef. C'est fun que vous l'ayez dit parce qu'on n'est pas à la télévision. Non, non, c'est ça. Mais c'est parce que votre chef, la semaine passée, était ici. Oui. Et elle avait la fleur de lys, en fait, parce qu'elle ne porte plus le carré rouge. Et je vois que vous le portez. Est-ce qu'il y a une dissension au sein du parti? Faut que les gens se fassent une idée. Vous voulez qu'il y ait une ligne de parti ou vous voulez pas qu'il y en ait une? Ah, moi, c'est, en fait, pas c'est que les gens portent je le carré rouge quand ça fait leur affaire. Moi, la première fois, je ne l'ai pas porté. C'était dans des funérailles. Là. Je disais, y a-tu quelqu'un qui va me le reprocher? Ça serait bien le bout. Donc, je le mets en général, je le porte. Mais il y a des événements très, très précis où tu... Comme là, le sujet est tellement gros qu'il y a des événements très précis où tu dis, j'ai pas envie de leur donner le signal que je m'occupe pas vraiment d'eux autres. J'ai autre chose en tête pendant que je leur parle. Donc, je le porte pas tout le temps, mais dans les activités courantes. Puis là, vous êtes à radio, il n'y a pas de caméra, vous portez. Non, mais vous l'avez dit pareil, mais je l'ai mis dans l'espoir que vous le disiez. C'est vrai? Ben oui, on est à Radio-Canada. On va couper ça au montage. C'est il n'y a pas de problème. Mais ça, tout le monde en parle. Vous êtes, on peut l'être si vous me le demandez, okay, là, franchement. Guilla est jamais loin dans le tour, vous le savez. Évidemment, vous avez dénoncé la loi 78, j'imagine, mais vous avez quand même aussi dénoncé Québec solidaire qui a évidemment fait la promotion de la désobéissance civile. Vous avez dit que c'était assez irresponsable comme attitude. On avait Amir Kadir il y a deux semaines. Vous lui diriez quoi, Amir? Parce qu'il est franchement gentil, ce monsieur-là. C'est parce que lorsque tu as été élu en vertu d'un système imparfait, mais démocratique, lorsque tu es un législateur, donc tu votes, tu peux perdre ton vote, mais tu votes une loi. Promouvoir, encourager, tolérer la désobéissance civile pour toi-même comme législateur, c'est-à-dire, lorsque moi je serai au pouvoir, lorsque moi je voterai une loi, les gens auront encore le droit de ne pas y obéir. Et le plus fascinant, c'est qu'ils disaient aussi, à titre d'exemple, il a essayé de nuancer, là, mais que si les anglophones de Montréal considéraient que la loi 101 était inique, il y avait aussi une espèce de droit de désobéissance civile par rapport à la loi 101. Donc, écoutez, moi, je trouve que c'est absolument intolérable d'être obligé de rouler à droite sur la route, donc j'envisage sérieusement de rouler à gauche, ce qu'Amir devrait aimer. Oui, tout à fait. C'est bon, ça, je vais proposer ça s'il revient. On vous parlait de la langue française. On va en reparler tout à l'heure parce qu'on va recevoir Anne-France Goldwater. On va parler de la langue française, d'utilisation de l'anglais comme langue de travail. Je pense que c'est un sujet qui va vous intéresser. Parce que vous êtes un grand défenseur de la langue française, malgré que vous avez fait la promotion d'Éric Lapointe et de ses chansons. Non, c'était inspiré de la langue française. Oh! J'espère qu'il ne vous écoutera pas. Non, c'est ça! Moi, j'adorais une de ses chansons, là, « Ces tours d'acier qui frenchent le ciel », enfin. Ça me donne envie de parler anglais, ça. OK! Mais vous... c'est vous qui avez parlé de ta brotte ailleurs. Vous avez tout à fait raison. Je reconnais le genre d'image. Oui! Mais vous restez avec nous, s'il vous plaît, et vous pouvez prendre une bière pour vous relaxer, je vous le dis. Je sais que je peux, mais j'ai envie de prendre un verre de vin chez moi tout à l'heure. Ah, mon Dieu, vous êtes plate. Parfait! C'est la sortie aujourd'hui même du dernier chapitre de la trilogie des nouveaux Batman de Christopher Nolan. Une sortie que le monde entier attendait avec impatience, mais on n'est pas en reste au Québec parce qu'une version qui va être disponible très bientôt sur nos écrans a atterri évidemment dans nos studios. On écoute. Si vous dépassez votre condition d'ancien péquiste... Moi, j'aime pas les attaques qui sont personnelles. De montrer que Pauline a l'air presque un peu débile en frappant les casseroles au ralenti, là, je suis pas d'accord avec ça. Si vous vous consacrez maintenant à l'idéal drétiste... J'ai commencé à me faire accuser d'être sexiste, d'être macho, tout ce que vous voudrez. Là, la gauche là, du plateau s'en est donnée à cœur joie. Ou si vous prétendez faire de la politique autrement. À l'aide! Nous sommes troisièmes dans les sondages. Il nous faut un super-héros. Pouvez-vous nous envoyer du renfort? Ça va être 25 000 piastres. Cacarnac! Va falloir en vendre, ta gueule! Là seulement, vous serez devenu peut-être autre chose. Cacman, la légende du Chevalier Brun. Avec François Legault dans le rôle de Cacman. Gérard Deltel dans le rôle de Robin et Charles Sirois dans le rôle d'Alfred. Cacman, la légende du Chevalier Brun. Dans un cinéma trop près de chez vous. Hey! Ça va être très bon, ça. Comme à toutes les semaines, on retrouve le pertinent et très, très rigoureux journaliste Jean-Sébastien Girard qui se trouve toujours là où l'actualité brûlante le commente. Bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour, comment allez-vous? Hey, ça va tellement bien. Vous êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, évidemment, à une semaine de l'ouverture des Jeux olympiques de Londres, je me trouve au Sport Expert du centre-ville de Montréal. Pourquoi, Jean-Philippe? Parce que, comme à tous les 4 ans, évidemment, le monde va se pâmer pour le petit dépatis. Pendant 3 semaines, on va entendre les gens dire « Ah, il est en fin cute avec son petit spino bleu! » Alors, je me suis dit, pas plus beau qu'un autre, je vais aller m'acheter un petit spino bleu pour obtenir la même popularité qu'Alexandre Despatie. Donc, ma quête, trouver le bon spino d'ici la fin d'émission, le vrai, le petit, le moulant, bien échancré. Avant de commencer mon magasinage, en revanche, je vous propose un état des lieux du philo pour en jaser avec moi, M. Louis Côté, directeur du Sport Expert en question. M. Côté, bonjour. Bonjour. Alors, d'emblée, sans embâche, pour ou contre le petit philo? Je suis pour, surtout si c'est utilisé au bon endroit, dans l'eau. Dans l'eau? Et vous-même, est-ce que vous en portez un? Non, malheureusement, j'en porte pas. Alors, vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps? Bien sûr, non, je suis à l'aise, mais... Je fais plus ou moins de natation vraiment pour utiliser le maillot spécial. Est-ce que c'est un peu Noël pour vous, cette période de l'année? Est-ce que tout le monde veut venir s'acheter un petit vélo pour ressembler à Alexandre de 28 ans? À part vous, je n'ai pas vu beaucoup d'autres qui m'ont répondu à cette demande-là. Je dirais que quand même, c'est un domaine qui est vraiment toujours à la hausse. Ça va toujours très bien. Les gens veulent s'entraîner. Un bon moyen de s'entraîner. Donc, j'ai pas de nouvelles ici aujourd'hui. Écoutez, donc, si vous me permettez, on va aller en magasiner ensemble. Et Jean-Philippe, je reviens un petit peu plus tard avec les spinos que j'aurais essayé. Oui, vous ferez baisser la musique, hein? Ben oui. J'ai entendu Éric Lapointe dans le fond. C'est voulu, c'est voulu. OK, bonne chance, là. Merci. C'est bon, mais bon, vous écoutez La Soirée d'Encore Jeune, animée par Jean-Philippe Baudier, presque en direct, sur la première chaîne. Et non, il ne porte pas de speedo, mais n'hésite pas à se montrer le paquet quand il veut émettre une opinion. Fred, ça va? Bonsoir. Hey, vous avez l'air franchement fébrile, c'est Yves-François Blanchet? Oui, oui, ben en fait, j'avoue. Non, mais j'avoue que. Bon, j'irai peut-être pas jusque-là, mais j'avoue que la présence de Yves-François me ramène dans le passé, hein. Je suis en train de boire une bière et bon, vous buvez de l'eau. Et ça me ramène à l'époque où j'étais encore dans les apartés. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Oui. On jouait au Lion d'Or et vous étiez resté après une représentation afin de nous proposer vos services de gérant. Non, en fait, aussi, puis vous offrir de donner vos billets parce que vous aviez, vous particulièrement, fait un sketch où vous vous moquiez de la disque qui se plaignait du téléchargement pirate. C'est vrai. Et j'avais dit, si la musique est gratuite... Oui. La prestation scénique devrait l'être également. Non, non, donc, non, mais ça, c'est un autre débat, parce que moi, c'était pas ma position du tout, au contraire. Je vais photocopier vos billets et les donner gratuitement à la porte. Et là, on a vu comme un désaccord. Mais il y en a, on en donnait beaucoup quand même, mais je n'aimerais pas le nom parce qu'on est déjà venu à l'émission. Mais bon, vous aviez... Si on cherche, on va s'en trouver vous, vous aviez essuyé un nom catégorique à votre offre de gérance, mais j'avoue que ça fut une erreur. Hein. Aujourd'hui, Éric Lapointe... tourne d'opulents vidéoclips sur les plages de République dominicaine, alors que les apartistes se cantonnent à faire le même spectacle 4 jours par année entre Noël et Jour de l'An. Jean-Philippe? Oui, non. Ben, ouais, pardon, non, je suis moi. Je fais d'autres choses. Je sais, vous me sentez amer, là, mais c'est... Vous êtes peut-être d'or, quelle année, ça? Je suis un peu comme Lucien Bouchard, je suis amer, mais lucide. Mais votre présence, Yves-François, me ramène également à mes premiers émois d'électeurs, puisque j'ai apposé une croix sur un bulletin de vote pour la première fois de ma vie dans votre circonscription. C'était en 1989, j'avais 18 ans, et Drummondville était la ville où je distillais la fin de mon adolescence dans l'ennui le plus complet. Même le Mondial des cultures n'arrivait pas à me faire sortir de mon état catatonique. Tu sais, quand t'as 18 ans, une troupe de danse hongroise qui vient dans ta ville pendant 10 jours, là, tu t'en sacs pas mal. Pour vous dire comment je m'emmerdais à l'époque, je m'étais même rendu à un rassemblement péquiste sur l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières où le clou de la soirée était le tour de chant de Paul Piché qui brûlait les palmarès à l'époque avec son album Sur le chemin des incendies. Je sais pas si vous en rappelez, là. Je me rappelle parce que ce show-là, je l'avais organisé. Loin. C'est vrai? C'est moi qui avais organisé ce spectacle-là, donc je vous soupçonne de m'avoir suivi. Je veux passer. J'espère qu'il n'y a pas de fébrilité. La semaine suivante de ce spectacle, encore puceau, je le rappelle, j'apposais mon X pour la première fois de ma vie. Le taux de participation avait été d'un peu plus de 75 % pour une deuxième élection d'affilée et on commençait à s'inquiéter du désabusement de la population envers la politique. Exactement comme aujourd'hui, et pourtant c'est pire. Hein? Aux dernières élections, nous avons atteint le fond du baril avec un famélique 57 % de participation. Ouais. Et dire qu'on impute le cynisme des électeurs pour expliquer le phénomène, foutaise! Hey, mon Dieu. C'est le cynisme de nos électeurs, de nos élites politiques, le problème, excusez-moi, oui. Une campagne pendant les vacances du mois d'août et un scrutin après une fin de semaine de 3 jours, bravo. On veut que les jeunes aillent voter et on leur fout une élection alors qu'ils seront de retour sur les bancs d'école à la mi-août, à des milliers de kilomètres de leur circonscription, le jour du vote. Il faut pourtant trouver un moyen pour que nos jeunes fassent le même cheminement que moi le 4 septembre prochain. Hein. Évidemment, le cheminement n'oblige pas à assister à un spectacle de Paul Piché, même que je dirais qu'il faut absolument éviter ça. Là. Mais il est impératif de faire en sorte que le vote des jeunes sorte, car les temps ont changé. Oui. Je l'ai dit, j'étais encore puceau quand j'ai voté pour la première fois, alors qu'aujourd'hui, c'est impensable. Les jeunes de la génération Y auront déjà eu, au moment de voter pour la première fois, ouais, plus de partenaires sexuels qu'il y avait de députés honnêtes au PLQ en 89. Ils peuvent être vierges quand même pour ça. Certains parlent d'une élection à date fixe comme solution. Oui, ça peut paraître attrayant, mais n'oublions pas que ça veut dire des campagnes électorales qui commencent un an à l'avance. Hein? Bon, ouais, vous me direz que ça ne changera pas avec ce qui se passe aujourd'hui. On ne sait même pas quand sera déclenchée la prochaine campagne et Jean Charest est déjà en tournée à garrocher des nananes sur le bras des contribuables. Non, moi je pense qu'il faut rendre le vote obligatoire. Ah ouais. J'entends déjà les pleureuses de droite nous dire que le gouvernement prend déjà trop de place et que leur liberté individuelle serait encore plus brimée par la loi qui les obligerait à voter. Pourtant, ce sont ces mêmes pleureuses qui ont applaudi la loi 78 qui brime pas mal plus d'affaires que des gros nombris. En terminant, comme le disait si bien Jean-Paul Sartre dans une de ses comédies musicales dont il avait le secret, avant de mourir écrasé sous le poids de Simone de Beauvoir, la loi c'est les autres, sinon c'est l'enfer. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci Frédéric. Ouais, hein? Ça fait plaisir. C'est très bon. Bon. Vous avez un bel avenir, vous avez à peu près le même humour que les apartistes, là, sont oui, drôles. Oui, c'est vrai qu'ils sont drôles. Hey, on retourne à discuter avec l'ami Jean-Sébastien. Vous en êtes où dans votre quête du plus beau bikini, là? Ben écoutez, je viens de magasiner toujours avec Louis Côté, le directeur du magasin. Oui. Il vient de me proposer un modèle en particulier. Alors, parlez-moi un peu du modèle que vous venez de me proposer. Ben, il ressemblait à l'Alexandre des Petits. Oui. On est allé vers un modèle échancré. Très coloré, je pense que vous allez beaucoup aimer. Un peu funky. Très funky. Il y a du rose fluo, il y a du noir. La base est noire, mais il y a plein de couleurs très voyantes. Ça a l'air quasiment d'une carte du Pôle de Montréal. Exactement. Et ce qui est intéressant, vous êtes très gentil, M. Côté, vous offrez gratuitement des speedo à tous les membres de l'équipe. Donc, ici, quoi? Vous avez choisi un speedo pour Jean-Philippe Wautier. Parlez-moi du speedo que vous lui avez choisi. Bien, on n'a pas été vers quelque chose d'aussi échancré. On s'est dit que probablement que Jean-Philippe préférait quelque chose d'un peu plus traditionnel, mais on n'a pas été vers la chope. On a été vers ce qu'on appelle une tuyau. Donc, oui, c'est quelqu'un de plus élégant. Le tuyau va bien, lui. Un tuyau? Puis pour la natation, ça va bien aller aussi. Évidemment, vous avez quelque chose pour Fred Savard. Mais évidemment, on va vraiment vers autre chose. Fred Savard est plus âgé, c'est l'aîné de l'équipe. Donc, on veut quelque chose qui donne moins d'informations sur lui, je pense. C'est ce qu'on a pensé. En fait, on a choisi un genre short maillot qui est quand même très confortable. Je pense que Fred, tu vas beaucoup aimer. Des couleurs très classiques, on m'a dit d'aller vers le classique pour toi. Donc, un beau maillot. Genre de faire ce qu'ils font. On est allé dans le marais, parfait. Bon, évidemment, on voulait aussi trouver un maillot pourri, François Blanchette, mais on le connaît pas vraiment. J'ai pas vraiment de joke sur lui parce qu'on se dit, bon, c'est difficile de trouver des invités pendant la semaine de la construction, donc il n'y aura pas de maillot pour lui. Alors, si vous me permettez, Jean-Philippe, je vais aller essayer mon maillot. Je vais me promener avec mon speedo dans le magasin. Tu vas savoir comment les gens trouvent mon maillot. Ah, ben, j'ai assez hâte que vous nous parliez de ça. Hein? Vous êtes content qu'on fasse la radio? Eh, qu'on est content. Vous nous enverrez une photo quand même, là, on a un blog. C'est pas impossible. Merci, Jean-Sébastien, bonne chance. Merci. Fred, notre deuxième invité. Notre deuxième invité est l'arbitre sur les ondes de V, mais surtout une avocate militante pour le mariage gay. Et de la gaieté, il y en a à V. Voici Anne-France Goldwater! Ah! Ah! Anne-France Goldwater, je vous appelle maître. Hein? Maître ou maîtresse. Ouais, c'est ça, je me disais. Mais maîtresse, c'est un peu... ça me met mal à l'aise. Ah, pour vrai? Oui. Je pensais que c'était juste la version féminine de maître, n'est-ce oui. pas? Ah, ben, je vais y aller avec maîtresse. Dans le sens, allez-y. Ben, je vais m'ouvrir une autre bière, je vais y aller avec maîtresse. Vous avez un fouet quelque part? je peux en faire un facilement. Vous voulez une bière? Oh, non. Non? Je vais m'en prendre. C'est moi qui prends les bières. Anne-France Goldwater, maîtresse, pardon. Vous êtes évidemment célèbre aujourd'hui grâce à une des causes les plus médiatisées des dernières années, celle opposant Lola à Éric. On n'en parlera pas plus, évidemment. On ne connaît pas les vrais noms. Hein? Bon, on sait que c'est Marc Garneau, je pense, en tout cas. Mais cette cause a été entendue récemment par la Cour suprême en janvier dernier et on devrait recevoir le verdict d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous êtes c'est ce que je pense, très stressé? Du tout. Ah non, pas tout? Non, non, je suis bien au contraire. Vous avez espoir. J'ai bien de l'espoir. C'est certain par la réaction de la Cour suprême lorsque j'étais devant la dernière fois. Vous avez vu des signes des juges de la Cour suprême, des petits clins d'œil? Ça marche de même. Ça marche comme ça? Des enveloppes brunes aussi? Ou, est-ce que vous envoyez un peu de... Malheureusement, ah, non. C'est fâchant, ça. Mais j'entends à Manitoba, ça prend des enveloppes brunes avec des photos. C'est très utile d'être avocat ce temps-ci en Trente-Côte d'Oiseau. Oui, parce qu'il y a plein de décisions qui ont été rendues. Par exemple, celle de la Commission des droits de la personne qui a dénoncé la loi 78. Que plus vous... stupide que ça, tu meurs. Ah, mon Dieu, que c'est rough, ça. Vous êtes dur de même. Parce que vous avez déjà appuyé la loi 78. À tout temps. Ah oui? Je l'appuie. Encore mais aujourd'hui? Sûr, encore aujourd'hui. Oui. Mais, ben, mais, je mais, crois à l'indépendance de mon opinion quant au droit. J'ai pris la peine de lire la loi. Oui. Beaucoup de commentateurs parlent pour parler sans l'avoir Vous l'avez lu au complet. Je l'ai lu au complet. Et puis avec des yeux quand même d'un constitutionnaliste au point que je suis rendue dans ma carrière professionnelle. Ben, j'imagine bien. Et puis avec quand on égard... est arrivé, c'est pas une niaiserie, là. Non, ben non, on très gay, on surtout pas chez nous. Ben oui, je comprends donc. Vous imaginez ben là, les jeux de chastisie qu'on fait à gay, à la vie, ben parce qu'on est gay. Maisant. Ouais, ouais. Mais ayant lu la loi, la loi posée, la loi est modérée, la loi est pour protéger en effet la majorité des élèves honnêtes et honorables qui cherchent une éducation, qui valorisent leur éducation, qui ne s'attendent pas, à d'autres financent leur vie et leur avenir. Ben là, je pense que Yves-François, mais c'est parce que si j'appelle Madame maîtresse, on va être en pleine ambiguïté. Non, y a pas, non, allez-y, y a pas de problème. Il y a pas de problème, Le micro fonctionne. On peut avoir la même maîtresse. Ah, ok. Il n'y a pas de stress. Vu comme ça. En radio, ça marche. Oh, okay, j'ai deux mains pour ça. Bon, je vais prendre l'autre chaise. Moi, ça me va. Je me rapproche. La totalité des gens qui sont à la Commission des droits de la personne sont stupides. Ça m'a un peu étonné. Ils sont stupides. Ça m'est apparu avoir assez peu de nuances. Et on a entendu beaucoup de choses sur la loi 78, mais jamais qu'elle était modérée. Sans compter la déformation grossière. Le droit à l'éducation, c'est l'accessibilité. Ce n'est pas le droit de déformer. Foncer une ligne de piquetage pour forcer le prof à donner son cours. Là. On a une vision du droit. Ben, peut-être que c'est la vision canadienne du droit, mais moi, j'ai peut-être plus une vision québécoise. Mon Dieu! Hey, moi, c'est hors de mes compétences. Je vais vous laisser. OK? Vous n'avez pas déjà pitié pour lui? Non, pas encore. Déjà, vous représentez ou vous pensez représenter une assemblée dite nationale où vous êtes pour l'ordre et pas l'anarchie. Oui. Alors, votre fonction dans la vie va disparaître comme ça. Si en effet, c'est la foule et le monde dans la rue, ça, bien sûr, en sans éducation, c'est des gens qui cherchent à ne pas être éduqués, vont se mettre à claquer avec leur casserole puis penser que l'opinion vaut plus parce qu'ils sont capables d'attendre. Est-ce que la démocratie, c'est les deux secondes que ça peut en mettre un X aux 4 ans? Je pense qu'on va parler de TV. La démocratie dont le taux de participation est très bas dans la province du Québec à l'intérieur du Canada, n'est-ce pas? Il y a plus de votes que d'avocats encore, là. Ah, ben ça, je serais curieux, par exemple. Je serais curieux parce qu'il y en mais a en tabarouette, comme ça, mais c'est comme ça que nous vivons notre démocratie, Madame, à l'intérieur d'un ramène, système là. D'ordre et je, de loi. Je vous ramène parce qu'il ne me reste tellement droit. Pas beaucoup de temps pour vous utiliser. On est de retour à la conversation. S'il vous plaît. Oui, non, mais ce que je vous vois, là... Bon. Il n'y a pas de carré rouge ici. Excusez-moi. Pas visible. Je suis le premier amant dans cette discussion-là. C'est François qui s'est ajouté après. Excusez-moi. Pas grave. Il peut être le jouet. Oui, c'est ça. Je renonce à tous mes droits. On s'organisera. Oui, non. Écoutez, on va parler de TV. C'est une belle loi. Allez-y le lire. Allez, on va parler de TV un peu, parce que j'ai chaud. OK. Hey, moi, j'ai chaud. Non, mais c'est je fou, suis là. Je suis chaude. Comme ça, vous, qu'on dit en français, je suis chaude. Les deux, je suppose. Allez-y. Oui. On en reparlera plus tard dans la chambre avec du vous, François. Du fait que je suis chaude? Oui. Et votre maîtresse? Pardon? Et votre maîtresse, en même temps? Non, mais c'est votre vous. Votre chaude maîtresse. C'est vous, ça? Oui. Mon allez-y, Dieu. Continuez. Fred, venez m'aider. On dirait que ça ne me tente pas. OK. Là, Anne-France Goldwater, maîtresse, pardon, vous êtes une avocate réputée. Oui. Vous aimez votre boulot, vous le faites bien, visiblement. Pourquoi vouloir faire de la télé? J'avais quand pas le choix. Pardon? Parce que, à mon avis, il y a de la job à la Commission des droits de la personne, visiblement, parce que c'est toutes des nouilles. Ça, c'est comme ça qu'on prend des individus autrement justes et raisonnables, puis on met dans la foule, et puis là, ça perd tête. Et ça perd perspective, parce que vraiment, ayant lu certaines de leurs recommandations. Vous êtes encore sur la Commission des droits? Je vais arrêter d'en parler, parce qu'on a quasiment plus de temps, là. Mais revenons à ça, non, je trouve que c'était au contraire, c'était mon accueil dans le monde médiatique côté anglophone, date depuis très longtemps. Mm-hmm. Mais c'est pas la même chose, parce que c'est pas la même. parce que c'est pas... Mais certain, c'est pas la même... Allez essayer de parler de cette province à Toronto, c'est oui, dur, oui. là. Faut oui. avoir les couilles pour le faire. Voilà, c'est pas... Et vous j'ai passé vous les avez. 4 jours avec le Commonwealth canadien à les Québec. J'ai parlé. Il y avait un vrai indépendantiste là, avec les comptes. On va demander à Marie-Claude, la réalisatrice, organiser un petit souper entre ces deux-là. Ouais, ouais. Parce qu'on a une mission... Non, parce qu'on a une mission à finir ici, okay, maintenant. Mais là, c'est-à-dire, l'accueil n'est pas... Il n'y a pas la même chaleur, il n'y a pas la même passion, il n'y a pas la même ouverture des divergences d'opinion chez les anglophones, chez les Canadiens. Et vous pensez qu'à VTL, avec votre émission L'Arbitre, ça permet non, cette discussion-là? Ben non, j'ai commencé bien au contraire ici. J'étais avec CBC. Le compas des... Non, Radio... Ouais, CBC depuis de longues années, ouais, mais ouais. Radio-Canada par après, comme au combat des livres, par exemple. Non, non, j'étais un peu partout. Ouais. À V, c'est là parce que j'ai trouvé un endroit où développer l'émission L'Arbitre, mais j'offre des entrevues en tout temps. Lorsqu'on me demande de commenter un cas, je le fais. Mais parce que je sens l'accueil chaleureux d'un peuple qui m'a étonnée. Ça m'a étonnée quand même. C'est arrivé quand j'ai eu mes 50 ans. Parce que quand on est élevé ici, dans cette province, il faut le dire, là, anglophone, de surcroît juive, et de surcroît, de toute façon, sérieusement, je suis une orpheline, vous vous sentez comme un pays isolé de toutes les communautés, parce que vous n'avez pas une communauté qui vous appartient. Le monde avec qui je suis allée au secondaire ou en école de droit, tout ce monde est parti aux quatre coins de la planète. Ouais. Alors, ça a pris de me rendre vraiment à 50 ans pour sentir que j'ai une communauté qui voulait m'accueillir et qui me trouvait fun et intéressante. Et j'étais très émue. J'ai passé des soirées après le combat de livres à pleurer, vraiment, mais pleurer de joie, de dire je me sens comme je suis accueillie comme une grande sœur ou une petite tante ou je ne sais pas trop quoi, mais... Et là, je suis en train de vous entendre critiquer, avoir une opinion assez... acerbe. Oui, c'est ça que je vais utiliser. Oui. Vous avez des beaux mots en français, vous. Et là, je me pose une dernière belle question. Belle langue. Ben, tout à fait. Plus belle langue. Ah oui, oui, puis enfin. Je vous pose une question, là. Il y a plus de richesse d'expression d'émotion en français. Ça prend qu'un anglophone. Est-ce que vous avez déjà écouté Éric Lapointe? Enfin. Je vous pose une dernière question. Allez-y. Là, je vous plus entends donner votre opinion et vous êtes vraiment, vraiment assis sur ces opinions-là. La mairie de Montréal ou la politique provinciale ou fédérale, pour quand? Parce qu'il y a des avocats en politique, je pense qu'il y en a un. Il y en a beaucoup? Il y en a quelques-uns. Il me semble que ça vous irait bien. Non? C'est ça le problème. Vous avez un choix dans la vie parce que la question, elle est sérieuse. Oui, bien, je sais. Je sais. Je ne suis pas qu'un clown, là. Hey! Non, vous êtes trop amoureux pour être... Je le sais. Voyons. Hey, vous me connaissez bien. Mais ce n'est pas ça. Dans la vie, on a un choix. On peut être populaire ou on peut avoir raison. Ouais. Et ce problème, je l'ai déjà dit à Jeanne Gomeshi à CBC à Toronto. Ouais. Et c'est pas évident parce qu'il y a un problème, et vraiment là, pas pour vous offenser, mais je sens parfois un besoin, comme par exemple avec le carré rouge, de le porter juste pour faire plaisir à du monde pour qui ça serait le fun de voter cette élection-là. Mais là, je pourrais jamais être opportuniste comme ça. C'est ça le problème. Attendez un peu. Mais là, vous parlez des partis, vous parlez de cette image-là, mais là... Mais si tu fais des opportunistes, c'est quand même gentil. Oui, tout à fait. Ça vous va très bien. Mais la différence... Mais à la mairie de Montréal, vous n'avez peut-être pas besoin de faire ça. Mais la mairie de Montréal, non. Vous ne réalisez pas le peuple. Et c'est ça le peuple, c'est nous, ça? C'est le peuple, c'est vous autres. Ah oui? Ce monde doit vivre sous la menace de la mort. Bon parce Dieu. Que je ne peux pas... Écoutez, je ne peux pas croire. Pensez et réfléchissez la culture d'enveloppe brune pour un instant. Ouais. D'accord? Soit qu'on pense que tout ce monde, c'est une culture corrompue. Je ne crois pas ça. J'ai vécu... Je suis née ici, j'ai vécu ici. C'est pas les Québécois qui sont corrompus et c'est pas un parti particulier... Non, mais je comprends. Non, parti québécois, c'est une affaire de fou, ça aussi. Là, on C'est pas là le point. Ah, okay. C'est imaginer quelle menace pour la sécurité des gens qui doit exister à ce point que cette culture d'enveloppe brune est repensée. Je connais, c'est comme les sites de construction, mais les genoux qui se fassent casser. Mais là, en fait, je vais juste résumer ça parce qu'il faut absolument passer à notre prochain. Mais je le sais. Alors là, ce que je suis en train de comprendre. Mais ce monde-là, non, je le sais. Je le sais. Fait que là, la brune, un fat, Tony Tomasi. On doit avoir du monde dans notre gouvernement. Aidez-moi, quelqu'un. Je remercie beaucoup Anne-France Goldwater qui va se présenter évidemment à la mairie de Montréal. C'est ce que j'ai compris dans les dernières minutes. Alors, avec Fred. Présentez-nous notre prochain chroniqueur rapidement! Il dissecte l'actualité tel un chirurgien des ondes. Avec lui, les organes de presse n'ont qu'à bien se tenir. Voici le billet d'Olivier Niquet! OK! Hey, Olivier! impossible de ne pas parler de la Commission des droits de la personne. Mais quoi de neuf cette semaine? Ben, Monsieur Wattier, dimanche passé, je suis devenu fan de Pauline Marois sur Facebook. Puis c'est pas parce qu'elle m'a acheté. Non, c'est parce que ça a cliqué en elle puis moi, la dernière émission. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, OK. N'empêche que Pauline a maintenant un accès direct à mon fil d'actualité Facebook. Elle peut essayer de m'influencer là, avec sa propagande souverainiste ou bien avec ses photos de voyage à Cuba. Mais influencer un faux compte Facebook dont elle aurait acheté l'amitié, comme certains le prétendent, là, me semble que c'est pas super winner comme stratégie. Non, là. Non. Surtout que des faux comptes qui ont le droit de vote au Québec, là, moi, j'en connais pas bien. Les journalistes ont eu bien de la misère à expliquer ça aux nouvelles. Heureusement qu'il y avait des experts comme Luc Lavoie pour nous guider sur l'influence des réseaux sociaux sur la campagne. Je dis pas que ça n'aura pas d'influence, mais est-ce que ça va être bien différent de l'époque où c'était par courriel qu'on communiquait? Pas tant que ça. Ah, les conseillers en communication de la vieille école, hein? Ils savent pas comment acheter des amis Facebook, mais n'hésitez pas à leur envoyer un fax si vous voulez acheter un politicien. Dans le même ordre d'idées, mardi, Junex a commencé son exploration de l'île d'Anticosti. Oui. Bon, c'est pas encore la grosse affaire, là. Non. Ils font des trous, des petits trous, encore des petits trous. Puis selon le gars de Junex, là, tout le monde est content. Écoutez ça, Wattier. D'ailleurs, sur Anticosti, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui aide les chasseurs parce que ils en font d'ailleurs pour faire soit de la coupe pré-commerciale ou justement des sentiers pour que les chasseurs puissent justement être capables de traquer le chevreuil. Bon, Junex fait des petits sentiers pour que les chasseurs puissent traquer le chevreuil. C'est donc bien fin! Les chevreuils vont goûter un petit peu à gasoline, là, mais avec bien du ketchup, on s'en rendra jamais compte. Mardi, le PLQ a envoyé une lettre au directeur général des élections pour l'inviter à surveiller l'implication de la classée dans la campagne. Ouais. Classée, là, c'est comme le petit nom affectueux qu'il donne à la classe. Là. Une goutte de mépris pour cacher un océan de mépris. Tu sais, c'est comme si j'appelais notre animateur Wattier. Mais ça donnerait l'idée que je le respecte pas pendant tout. Ouais. Pourtant, je vous adore, Louis-Philippe. Mercredi, on a mis le grappin sur le criminel nazi Laszlo Skratari. Ouais. Enfin quelqu'un qu'on peut traiter de nazi, là! Non. J'ai assez hâte d'être dans un vrai état fasciste pour qu'on puisse abuser des comparaisons douteuses. Et heureusement, ça s'en vient à grands pas. Selon ce que Normand Lester a écrit sur son blog, le discours de la classe ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Mussolini. Ouais. Puis on s'en rend même pas compte parce qu'on est trop niaiseux. La plupart des gens là, qui font sonner leur casserole ne savent même pas pourquoi ils le font. Qu'est-ce que vous voulez? On est des Canadiens français, puis on est comme ça. On est des suiveux et des conformistes. C'est ça, c'est le phénomène mouton canadien-français qui est en marche. Hey, dire que Radio-Canada a jeté ce gars-là au vidange. Moi, là... Je pense pas qu'il l'a jeté au vidange. Ouais, je pense qu'il est allé direct. En tout cas, là, moi, s'il se lance en politique, là, je le suis les yeux fermés jusqu'au bord du gouffre sans fin de son insignifiance. Hey, êtes-vous allé voir le nouveau Batman hier? Hein? Non. Vous avez bien fait. C'est un film de propagande socialiste. Ouais. Rush Limbaugh l'a dit, là, le méchant s'appelle Bane juste pour nuire à l'image de Mitt Romney, dont l'ancienne compagnie s'appelle Bane Capital. C'est comme le méchant dans le nouveau Spider-Man. Là. C'est un genre de dinosaure. Là. Ouais. Mais pas me dire que ça n'a rien à voir avec Stephen Harper, ça-là. Là. Pardon? Heureusement, Limbaugh est la plupart du temps très, très nuancé. Un exemple à suivre pour nos commentateurs de gauche qui traitent les électeurs de Jean Charest d'imbéciles, comme l'explique Dominique Morin. J'écoute beaucoup de radio américaine de droite, Sean Hannity, Geraldo Rivera, puis même Rush Limbaugh, il n'est jamais allé aussi loin que ça, de dire que ceux qui votent pour Obama, c'est des tarifs, des imbéciles. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas entendu. Ah, comme dirait ma grand-mère, ce qu'on n'a pas entendu, ça nous fait pas mal. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter d'écouter la radio de Québec. Je me sens pas super bien. Là. Oh, merci beaucoup, hein, Olivier. Ça fait plaisir. Hey. Bon. On va aller retrouver Jean-Sébastien et j'ai assez hâte qu'il nous parle de son nouveau speedo. Jean-Seb? Ah, il est magnifique. Je me regarde et je suis pas piqué des verres. Je suis présentement dans la cabine. Et je vais aller voir Louis Côté pour savoir ce qu'il en pense. Monsieur Côté? Oui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Très, très beau. Mais t'as laissé l'étiquette d'endurance dessus, qui dit que c'est 20 fois, jusqu'à 20 fois plus durable. Donc, le maillot de bain est 20 fois plus durable que les autres. C'est exact. Je peux garder l'étiquette dessus. Je peux garder l'étiquette aussi. Est-ce que vous trouvez que ça me fait un beau galbe? Oh, je suis un peu mal à l'aise à répondre. Est-ce que vous pensez que pour être un peu plus coquin, je pourrais prendre une taille... Peut-être. On peut l'essayer, si tu veux. OK, l'essayer. Mais avant, si vous me permettez, je vais faire un petit vox pop dans le magasin. Madame? Madame? Oui? Alors, je suis journaliste à Radio-Canada. Qu'est-ce que vous pensez du maillot que je suis en train de porter? Eh bien, c'est horrible. C'est comme une carte de métro. Aimez-vous le métro? Oui. Oui, effectivement. Oui, vous le dites présentement, ça. Oui. Là, du métro. Oui. Regardez le métro Berry. Oui. Je vous remercie beaucoup, madame. Et je ne sais pas si, en terminant, peut-être, je peux m'adresser à madame Goldwater. Est-ce qu'elle est là avec vous? Ben oui, non, parlez. Vous pouvez parler dans votre micro. Oui. Ah. Oui. Bon, madame Goldwater, écoutez, sauf votre respect, votre honneur, vous me semblez un petit peu horny. Alors, je me dis que vous aimeriez peut-être recevoir une photo avec mon iPhone et puis vous pourriez juger si c'est un beau maillot que je porte présentement. Tant que vous tenez le maillot dans vos deux mains, pas ailleurs. Est-ce que vous aimez les speedos, madame Goldwater? Oui, par terre. Bon, ben écoutez, je m'en viens en studio avec les maillots pour prendre une bière avec vous, si vous le permettez. Yes! D'accord! J'arrive tout de suite. Hey, Caroline, venez pas trop vite, là. Yves-François est encore là, puis il va vous débaucher pour la partie québécoise en tant que journaliste de Radio-Canada. On pourrait donner votre maillot de bain en tuyau. Ah, j'ai assez hâte. Merci beaucoup, hein. Merci, bonne semaine. Fred! Chroniqueuse pour le magazine Urbania, elle a également publié un livre sur les dépanneurs du Québec, ce qui fait sûrement d'elle une couche tard. Oh. Voici le billet de Judith Lucier. Hey! C'est Fred Savard qui écrit les présentations. Oui. C'est un honneur. Ben oui, c'est franchement décevant. Judith, vous allez donc nous parler d'économie créative. Oui, et ça, Jean-Philippe, parce que si vous lisez un peu les journaux économiques, vous savez que c'est sur les lèvres de tous les chroniqueurs économiques en ce moment. Ouais. Mais en fait, en ce moment, la grande tendance est à l'économie créative, c'est-à-dire la créativité à toutes les sauces. Ben oui. Ça inspire les politiciens, ça inspire les entrepreneurs. Et parce que je prends ça très au sérieux, moi, j'ai décidé de décerner le prix du créatif d'Assemblée. Et aussi de donner des leçons d'économie créative à nos politiciens qui en ont besoin là, parce qu'ils sont en campagne électorale. Ben, je comprends. Il y en a plein qui en ont besoin en plus. Tout à fait. Ben, oui. Donc, on y va avec les créatifs de la semaine. Cette semaine, je décerne mon prix aux jardiniers de Drummondville, dont on a parlé tout à l'heure. Tout à fait, comme le disait le député de Drummondville. De Drummond, excusez-moi. C'est très important faut pas, de mentionner. Faut pas confondre. Ah, oui, non, oui, c'est pas dans Johnson. Dans Johnson. Est-ce que c'est une insulte? Un média, là, non, pas du tout. C'est une grande fierté d'être de Drummond. Drummond. Qui n'est pas fier de venir de Drummondville? C'est juste que le comté s'appelle Drummond, la ville s'appelle Drummondville, mais le nouveau comté s'appelle Johnson. On n'a pas fini de se démêler encore. Un comté où il y a beaucoup de créativité, si j'ai bien compris. Oui, oui. Ouais. J'hésitais entre les jardiniers de Drummond. Ouais. Drummondville? En fait, c'est Saint-Charles, en plus. Oui, en plus. Ah, c'est l'autre bord. Bref, j'hésitais entre eux et le gars qui veut vendre son mariage sur Kijiji, senti que... J'ai vu ça. Oui, j'ai senti que la banlieue avait un peu plus besoin d'éclaircissement de l'économie créative Je comprends. Que l'institution sacrée du mariage. Oui. Ben oui, pourtant c'est le fun ça. Ouais. Donc, on sait que la créativité, Jean-Philippe, naît souvent de contraintes. Ici, on avait tout simplement une cour ombragée. Mm-hmm. Et ce qui fait de plus en plus briller nos jardiniers par leur créativité, c'est un contexte particulièrement rigide dans la banlieue. Ouais. Oui, en son stif à Drummond. Ben oui. Ben particulièrement ville, à Drummondville, où le directeur général Claude Proulx a carrément admis que cette folie d'avoir un potager dans la cour avant, ça nuisait à l'uniformité de la trame urbaine. Ben, c'est ça. Ils ont la trame rigide là-bas. On les félicite. Ma leçon va donc cette semaine au conseiller de communication de François Legault. Oh boy! Oui. Je m'inspirerai pas de l'aspect anticonformiste de l'exemple que j'ai donné plus tôt, mais plutôt parce que François Legault est assez habitué d'aller à contre-courant. Oui. Là, ça va, il n'y a pas de problème. Contre-courant de la popularité. M'inspirerai plus de l'aspect de faire avec des contraintes. Parce qu'on sait que les conseillers en communication de François Legault ont beaucoup de contraintes, à commencer par François Legault lui-même. Ça en est une grosse, effectivement. La vieille école en communication ou en relations publiques serait tentée de retirer des mains l'appareil téléphonique de François Legault juste pour limiter les dégâts. Ouais. Arrête de tweeter. Oui, complètement. Je mettrais des mitaines, moi. Lui mettre des mitaines serait une autre solution. C'est la vieille garde. Hein? Ouais. En économie créative, on pense pas comme ça. On laisse plutôt les gens faire leurs erreurs parce que dans une entreprise, quand les employés ont peur de se tromper, ils iront pas à l'avant-garde, c'est ils vont pas essayer des choses un peu différentes. Ils arrivent toujours avec la même solution, donc c'est pas très créatif. Par ailleurs, François Legault, si on lui retire le téléphone des mains, qu'est-ce qu'on va faire? On va le remplacer par quoi? Un expert des réseaux sociaux? Ou une patate, je sais pas. Le problème avec les mains, experts, c'est que c'est pas du tout... Ça va à l'encontre, ça aussi, de l'économie créative. Ben, parce que c'est de cantonner des gens dans leur propre expertise. Ben, ça, c'est pas du tout... ça laisse pas du tout les gens... On pourrait le mettre dans un avion. C'est ça. OK, parfait. Restez chez vous, là. Okay. Mais surtout que dans l'économie créative, oui. Jean-Philippe, tout le monde peut avoir une bonne idée. Hein. La secrétaire peut avoir une bonne idée. Le concierge peut avoir une bonne idée. François Legault peut avoir une bonne idée. Donc, tout ce qui me reste comme conseil à donner aux conseillers en communication de François Legault, c'est de peut-être trouver une prescription de Valium pour le reste de la campagne. Oui, c'est ça. Ou peut-être de s'installer un potager devant chez eux. Paraît que le jardinage, ça détend. Ça relaxe au bout. T'as un peu passé la saison, là, mais... Mais c'est tout le temps pour des patates. Des légumes racines. Ben oui, légumes racines pour l'automne, c'est parfait. Merci beaucoup. J'espère que François Legault va nous écouter. C'est déjà tout pour la soirée Est encore jeune. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. Il y a Monique Giroux qui nous fait une scène. Et après, il y a Bande à part animée par Élodie Gagnon en direct du Parc La Fontaine. Et j'aimerais redire merci évidemment à toute l'équipe Marie-Claude Bocage à la réalisation ainsi que Julie-Christine Parent, notre stagiaire Nicolas Arguindé et évidemment Philippe Roberge à la console. Et notre animateur, Jean-Philippe Vautier. Oui, merci. Et évidemment, un immense merci à Yves-François Blanchet à qui l'on souhaite une bonne campagne dans sa nouvelle circonscription. Je vous remercie beaucoup, mais je tiens quand même à souligner que ça va avoir l'air un peu cucu, mais j'ai une très grande fierté de ma région puis de Drummondville qui est un peu plus vaste que l'image qu'on en a donnée ici. Pour cultiver. C'est ça. Oui, il y a ça, mais surtout dans la partie Johnson. Merci à Anne-France Goldwater que l'on retrouve au Palais de Justice et à VTL cet automne. En effet. Vous êtes en onde cet été aussi. Oui. Vous n'arrêtez jamais. Quant à nous, vous pouvez nous suivre sur Twitter à twitter.com. Oui, la soirée. Vous nous réécoutez grâce à la balado qui est disponible sur le site Internet de Radio-Canada. Et si vous voulez assister à notre prochaine émission, c'est vendredi évidemment à 19h la semaine prochaine et on a François Legault et Mathieu Bock-Côté pour une autre soirée qui sera, on l'espère, encore jeune.